Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le massacre de la place Tiananmen du 4 juin 1989. L'attaque de l'armée a commencé samedi à minuit, heure de Pékin, et elle a été brutale. Plus d'un million d'habitants sont descendus dans la rue pour essayer d'arrêter les militaires qui avançaient vers la place Tiananmen. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise mène la charge qui mettra fin au printemps de Pékin, ce printemps de grandes manifestations populaires initiées par le mouvement étudiant et réclamant des réformes démocratiques en Chine. Le 4 juin, l'armée investit le centre de Pékin et la place Tiananmen pour faire taire par les armes ce mouvement de protestation. L'opération va durer quelques heures et se soldera par ce qu'on a appelé le massacre de la place Tiananmen. À l'aube ce matin, les rues de Pékin ressemblaient à une zone de guerre. L'armée tirait, les citoyens mouraient toujours. Les hôpitaux sont inondés de blessés et de morts. Les médecins contactés par Radio-Canada nous ont dit tout simplement qu'ils n'avaient pas le temps de nous parler. À la place Tiananmen, le rassemblement massif de blindés et de soldats signifie que l'armée contrôle la situation et que toute résistance serait fatale. Extrait d'un reportage de Tom Kennedy diffusé au téléjournal le 4 juin 1989, au moment où l'armée chinoise a terminé ou à peu près son grand nettoyage du centre de Pékin et de la place Tiananmen, pour nous faire revivre ce printemps de Pékin de 1989, pour nous expliquer aussi le contexte qui va conduire à ce printemps de Pékin. Mon invité est Olga Alekseva, sinologue, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Olga Alekseva, bonjour. Bonjour. C'est un événement, Tiananmen, les événements de Tiananmen ont beaucoup marqué la conscience occidentale. Ça nous a beaucoup influencé aussi sur le regard qu'on porte sur la Chine quand on pense à la Chine. Dans les faits, quelle importance a cet événement, ces événements de Tiananmen, quelle importance ils ont dans l'histoire contemporaine de la Chine? Alors, ces événements sont vraiment très importants. C'est un point de rupture, c'est-à-dire qu'il y a avant Tiananmen et après Tiananmen. C'est important à la fois pour l'histoire chinoise, mais aussi, si vous voulez, pour l'histoire globale ou pour notre vision de la Chine, puisque la Chine s'est ouverte. On croyait que ces changements économiques vont de façon irrémédiable amener à des changements politiques. On voyait aussi Deng Xiaoping comme quelqu'un qui est très libéral, hein, man of the year, l'homme de l'année à plusieurs reprises, donc quelqu'un qui est très libéral. Et là, ce massacre va montrer aussi à un monde entier que la Chine n'entend pas de démocratiser son système politique. C'est la limite, en fait. La Chine tire la ligne. Voici notre limite à ce moment-là. Je lisais en préparant l'émission, est-ce que c'est exagéré de dire que on est quand même passé près, que le régime a tremblé au printemps 89? C'est un tout petit peu exagéré. Ouais. C'est sûr que le régime a eu peur, puisque en même temps, on avait vu qu'en Pologne, en Hongrie, dès le moment où on a laissé à des manifestants un pouvoir, le Parti communiste a disparu. Donc, en Chine, il avait cette peur-là aussi. Donc, il voulait éviter par tous les moyens d'avoir le même destin, de se retrouver en face avec le même problème. Alors, comment on en arrive? Faisons un peu de contexte, parce que comment on en arrive à ce printemps de 89? Alors, donc, il faut commencer de loin. Nous, les historiens, on aime bien commencer de loin. Donc, c'est Deng Xiaoping qui lance les réformes économiques en Chine en 1978. Il le fait de façon très progressive. On commence dans les zones rurales. Et puis, donc, dans les années au début des années 80, la réforme arrive en ville. Qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire que, premièrement, les prix se libéralisent. C'est-à-dire qu'avant, les prix étaient fixés. Et les gens avaient l'habitude de payer tant de yuan pour les produits de la première nécessité. Et voilà, ces prix-là sont maintenant libres. Donc l'inflation de 30%, voire 60% pour certains produits. Beaucoup de gens sont fonctionnaires à Pékin, donc ils reçoivent le salaire qui n'a pas changé. Donc ça, c'est un impact très important pour la vie des citadins. Aussi, de plus en plus des gens de la campagne commencent à arriver dans les grandes villes. C'est le début de l'exode rural, alors que le chômage aussi commence à menacer l'économie urbaine. Les travailleurs ont peur que leur bol de riz en acier, donc leur salaire fixe, leurs privilèges sociaux sont menacés puisque les entreprises d'État commencent aussi à se libéraliser. Ouais. Donc, beaucoup de facteurs économiques aussi. Imaginez le changement psychologique à des gens donc, qui ne sont pas prêts d'accueillir cette ouverture mentalement. Donc une ouverture, au fond, un régime d'abord qui est mixte. C'est le début d'une réforme qui n'est même pas encore totalement terminée aujourd'hui, mais une ouverture qui fait mal. On est dans l'adaptation et la population ressent durement les effets, certains effets de cette ouverture-là. C'est ça, au fond, qui se passe. Tout à fait. Imaginez, le salaire d'un professeur, c'est 80 yuan par mois. Alors que le salaire d'un petit entrepreneur, un taxiste, admettons, c'est 1000 yuan peut-être. Donc il peut gagner beaucoup plus d'argent dans une sorte de nouveau riche. Ouais. Alors que un soldat, c'est 20 yuan par an. Ça commence à grincer. Il commence à y avoir de l'insatisfaction. L'inflation, les prix qui montent, la corruption, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de corruption. Et parallèlement à ça, le régime lui-même voit ce qui se passe, ce malaise-là, le constate. Et il y a des divisions internes très fortes à l'intérieur du régime, au Parti communiste chinois, entre réformateurs et conservateurs. Faut-il stopper la réforme ou la poursuivre? En effet, ça divise beaucoup. Et Deng Xiaoping, lui, il est déjà il est en dehors du gouvernement. Donc, en quelque sorte, il supervise cela. Et pour maintenir la stabilité du Parti communiste, il est en train de jouer le jeu entre les deux écrans. Donc, il faut satisfaire les deux. Et donc, les conservateurs trouvent ce retour de l'Occident, enfin, en Chine, on appelle ça libéralisme bourgeois, pollution spirituelle, comme quelque chose de très menaçant. Ça menace les valeurs communistes, la frugalité, l'honnêteté, la sincérité, etc. Donc, la division est vraiment très importante. Et l'une des voix, parmi les réformateurs, une des voix qui sera très, très forte, qui sera très connue aussi de la population chinoise, c'est celle de Hu Yaobang. Et ça nous ramène donc au printemps de 89, parce que c'est sa mort à la mi-avril 1989 à Hu Yaobang qui est en quelque sorte le point de départ de ce qui va devenir le printemps de Pékin. Depuis la mort de Hu Yaobang samedi dernier, les manifestations d'étudiants à Pékin, Shanghai, s'amplifient, les jeunes utilisant le deuil de l'ancien réformiste qui était la figure politique la plus estimée du pays comme paravent de manifestation pour la démocratie. Suivant un scénario bien rodé, chaque faculté envoie place Tiananmen, avec une énorme gerbe de fleurs en hommage à Hu Yaobang, sa délégation. Dès lundi, le nombre des manifestants atteignait 3000 à Pékin, puis 20000 le lendemain. Dès la nuit de mardi à mercredi, on a vu une situation inconnue depuis 1976. Quelques milliers de jeunes prétendaient entrer dans Zhongnanhai, le palais privé du régime. Réclamant Deng Xiaoping ou Li Peng, les jeunes criaient des slogans contre la dictature tout en tentant de forcer leur passage. La police n'a pas fait usage de ses armes, se contentant de contenir la foule, puis, quelques heures plus tard, de refouler les jeunes vers la place Tiananmen. Et ce mercredi, les jeunes sont toujours là, à au moins 10 000, à écouter leurs orateurs et à s'encourager en attendant la nuit qui promet d'être chaude. Un reportage d'Éric Meyer le 19 avril 1989. Que représente Hu Yaobang pour la jeunesse chinoise en 1989, Olga Alexeva? Et comment expliquer que la mort de cet homme soit le point de départ de ce que deviendra le printemps de Pékin? Alors, Hu Yaobang était l'un des réformateurs. Qui était destitué à la suite de la première manifestation, donc qui a perdu tout le pouvoir. Et donc, il devient le symbole d'approfondissement de la réforme, des valeurs démocratiques, même si, bon, à tort ou à raison. Hein. Et donc, sa mort très soudaine n'a pas sans rappeler la mort de Zhou Enlai, qui clôture, en fait, en quelque sorte, la fin du régime maoïste. Aussi, ensuite, si vous avez le deuil, donc on fait vraiment le parallèle. Donc, les étudiants s'en servent comme prétexte, parce qu'on peut aller manifester son deuil Et donc exprimer ses doléances. Ça, c'est aussi une habitude chinoise traditionnelle. Et c'est le deuil, évidemment, symboliquement, le deuil de l'espoir d'une réforme. Cet homme, ce réformateur est mort. Donc, c'est ça aussi qu'on porte en manifestant. Éric Maillard, décrit un petit peu, là. Comment ça se passe au début? La foule, on entendait quelques chiffres. La foule, jour après jour, grossit place Tiananmen. Oui. Donc, au début, le mouvement est très décousu. Vous avez des étudiants qui commencent le mouvement, qui ont toutes sortes de revendications différentes, parfois très pratiques, mais ils sont rejoints assez rapidement. Le menu des cantines. Le menu de cantine, la qualité de l'histoire. On a l'impression que c'est des grands principes, mais c'est aussi concret que ça. C'est très concret, où plus de possibilités de partir étudier à l'étranger, ou supprimer les cours de l'éducation politique, par exemple. Donc, mais vous avez aussi les citadins qui commencent à se joindre à ce moment-là. Pour eux, c'est plutôt le ras-le-bol général. La corruption, l'inflation, l'augmentation des prix, les privilèges des cadres. Vous avez aussi les journalistes, plus tard, voire même parfois quelques unités de police et de l'armée qui se retrouvent là parce que c'est le ras-le-bol général. Et au début, donc, le régime laisse aller. D'abord parce que au tout début, il est difficile de réprimer ce qui ressemble à un hommage funéraire, en fait. En effet, il y a cela. Il y a aussi 1989, c'est une année 70e anniversaire du mouvement du 4 mai 1919. Les Chinois croient qu'à ce moment-là, que la nation chinoise est née. Et donc, on pensait de faire une grande commémoration. Okay, donc, vous avez d'abord donc, les funérailles. Puis, le 1er mai, c'est la journée de travail en Chine. Donc, c'est normal que les gens manifestent. Puis, ensuite, 4 mai aussi, on commémore cet événement où les étudiants, les intellectuels sont réunis aussi pour demander la modernisation. Mais 70 ans, il y a 70 ans. Il y a un éditorial. Toute cette histoire de Tiananmen, ça va être une succession de montées et de descentes. Il y a des essoufflements successifs. Le mouvement, après la portion funéraille, s'essouffle doucement. Et il y a un éditorial qui est publié le 26 avril dans le quotidien du Peuple qui va relancer le mouvement. Qu'est-ce que dit cet éditorial? Bon, en effet, après les funérailles officielles, beaucoup de gens quittent la place, ils ont fait leur deuil, ils ont exprimé leur mécontentement. Mais dans l'éditorial qui était édité par Deng Xiaoping lui-même, il qualifie ses étudiants comme poignée des contre-révolutionnaires, et ça c'est grave comme accusation, en disant qu'ils veulent complètement faire tomber le système socialiste, c'est une agression, ils veulent faire sombrer le pays dans le chaos. Et donc, cet éditorial, plutôt que calmer les esprits, va avoir l'effet l'inverse. Les étudiants sont mécontents et, à nouveau, la foule, qui ont tous lu, se rassemble sur la place Tiananmen. Et c'est le début, en fait, carrément, le lendemain, le 27 avril, de l'occupation telle de la place Tiananmen, avec des foules qui vont grossir. Il y a un événement très, très important dans ce printemps de Pékin, c'est à la mi-mai, la venue de Mikhail Gorbatchev. De quelle manière? C'est vraiment très, très important. Pourquoi? De quelle manière c'est important? C'est très important parce que depuis 30 ans, il n'y a pratiquement pas de relations officielles entre l'Union soviétique et la Chine, les relations qui étaient rompues en 69. Et donc, c'est l'amélioration des relations, et cette amélioration s'est faite dans les conditions que Deng Xiaoping a imposées à Gorbatchev. Donc, c'est un triomphe géopolitique, diplomatique de Deng qu'il veut célébrer, avec une grande cérémonie officielle sur la place Tiananmen, et la place est occupée. Donc, c'est un événement qui est très important pour Deng Xiaoping, pour le Parti communiste, mais que les étudiants empêchent à se faire réaliser. En même temps, ils le savent, les étudiants profitent de ça. Oui. Savent très bien qu'il n'y aura pas, en principe, de répression au moment où Gorbatchev est à Pékin. Oui. Et donc, d'ailleurs, il accueille son cortège. Et pour les étudiants, Mikhail Gorbatchev, qui a lancé Perestroïka, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune par rapport à Deng Xiaoping, qui a 84 ans, Gorbatchev 58. C'est beaucoup plus en profondeur, ses réformes. Donc, il est aussi symbole de la démocratie pour eux. Et de l'espoir. Et de l'espoir. Pour les jeunes Chinois. Tout à fait. Le 19 mai, c'est une journée intéressante, mais qui nous montre encore une fois cette division dont on parlait au début de l'émission qui reste. Là, pendant cette crise des événements de Tiananmen, le parti est divisé. Le 19 mai, à l'aube, le secrétaire général du Parti communiste chinois, Zhao Ziyang, négocie, va parler aux étudiants. Ça se passe plutôt bien. Quelques heures plus tard, l'autre camp, le premier ministre Li Peng, qui annonce que dès le lendemain, ce sera la loi martiale. Vraiment, il y a une grande division. division au sein même du parti à ce moment-là par rapport à ce qui se passe à Pékin. Oui, donc Zhao Ziyang, qui est le secrétaire, quitté encore secrétaire général du Parti communiste, lui, il ne veut pas utiliser les méthodes répressives. Et donc, il se rend, accompagné par les Peng sur la place Tiananmen, essaie de persuader les étudiants de partir en disant « Vous avez fait votre point, hein, on vous a entendu, c'est le moment de quitter la place, et c'est ce qui s'en vient. » Et donc, on le voit, les larmes aux yeux. D'ailleurs, il est accompagné par Wen Jiabao, le futur premier ministre, dont les fils se trouvent d'ailleurs sur la place Tiananmen. Donc, il a essayé de changer la situation. Et puis, bon. La loi martiale, dès le soir, le 4 juin 89, cette intervention de manière brutale à la place Tiananmen et dans le centre de Pékin, qu'est-ce qui pousse le régime à finalement intervenir le 4 juin? Deng Xiaoping pense qu'ils sont allés trop loin. Okay, avec l'arrivée de Gorbatchev, avec la grève de la faim. Pour le régime. C'est une très grande humiliation avec la grève de la faim. Puisqu'imaginez, la visite de Gorbatchev a attiré plus de 1500 journalistes du monde entier. C'est le début des émissions en direct. Les émissions en direct. Donc l'Occident vit en direct ces événements-là. À tel point qu'en fait la visite de Gorbatchev est complètement éclipsée. Il s'intéresse beaucoup plus à ces mouvements inédits sur la place Tiananmen. Et donc, ils sont allés trop loin. Donc, le régime n'a plus de... Il faut en terminer. Ils doivent payer. Il faut en terminer. Ça fait que, donc, cette opération, ce massacre de Tiananmen, commence dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. L'attaque de l'armée a commencé samedi à minuit, heure de Pékin. Et elle a été brutale. Plus d'un million d'habitants sont descendus dans la rue pour essayer d'arrêter les militaires qui avançaient vers la place Tiananmen, le centre de la résistance. Avec courage mais sans armes, ils ont attaqué les chars d'assaut et les soldats avec des briques et des cocktails Molotov. Mais l'armée avait l'ordre du chef suprême Deng Xiaoping d'utiliser tous les moyens nécessaires et ce fut le massacre. En arrivant à Tiananmen, les soldats ont tourné leurs fusils contre les étudiants et ils ont tiré à l'aveuglette. Reportage de Tom Kennedy au Téléjournal le 4 juin 89. En un mot, Olga Alexeva, ça se déroule comment, cette opération au centre de Pékin? Ça se déroule très rapidement, de façon très violente. C'est pas seulement les camions avec les militaires, mais aussi les chars. Donc, on utilise les mitraillettes contre la population. Et donc, quand on arrive jusqu'à la place Tiananmen, il reste encore un certain nombre des étudiants qui ont refusé à partir. Et donc, avec les chars, on va écraser les tentes des avec les gens qui se trouvent dedans. Donc, ça va être très sanglant. Certains endroits, en arrivant à la place, on va mettre 4 heures pour percer, pour arriver jusqu'à la place, donc en utilisant les kalachnikovs. Donc, ils font beaucoup de tirs en l'espace de quelques minutes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on entend dans les reportages, justement, des bruits de tir très fréquents. Et en fait, ça va être tout le cœur de Pékin, tous les accès menant. C'est beaucoup là, au fond, où il y aura beaucoup de violence, et peut-être plus même que sur la place Tiananmen comme telle, parce que les Chinois résistent, ne veulent pas que l'armée se rende place Tiananmen. Comment va réagir la communauté internationale à ce moment-là? Les Occidentaux sont stupéfaits. On n'attendait pas du gouvernement chinois d'utiliser autant de force et de massacrer sa propre population. Les États-Unis, les pays européens vont réduire le personnel de leurs ambassades. Toutes les entreprises étrangères déjà sur place vont faire pareil. Et donc on va instaurer les sanctions, la vente des armes, geler les crédits de la Chine. Donc c'est un gel de la vie économique. Donc les sanctions sont avant tout économiques. Les étudiants, jusqu'à quel point ils savaient ce qui les attendait, jusqu'où étaient-ils prêts à aller? On écoute la leader étudiante Chai Ling en entrevue, une entrevue qu'elle accorde le 28 mai 1989, qui va la suivre longtemps. Elle va dire, cette entrevue a été citée hors contexte, mais c'est une entrevue qui est devenue célèbre. On écoute donc cet extrait d'entrevue de Chai Ling quelques jours avant l'intervention de l'armée à Pékin. Les étudiants m'ont demandé ce qui allait suivre. J'aurais voulu leur dire que nous nous attendions à une effusion de sang et que seul un massacre, répandant le sang comme une rivière sur la place Tiananmen, pourrait réveiller les gens. Mais comment leur dire cela? Comment leur dire qu'ils devraient sacrifier leur vie pour qu'on gagne? Et en même temps, certains leaders étudiants faisaient tout de leur côté pour faire imploser notre mouvement et pour qu'on évacue la place avant que le gouvernement ne décide d'intervenir brutalement. Olga Alekseva, avant de parler des questions importantes que ça pose, cet extrait qu'on vient d'entendre, un mot sur cette controverse. Pourquoi cet extrait-là, cette entrevue, a été aussi controversé? Parce qu'il était pris dans les conditions assez stressantes. Par la suite, cette fille s'échappe à l'étranger. Et donc, la Chine nie, bien évidemment, toutes sortes de choses. Elle aussi veut, si vous voulez, organiser sa vie à l'étranger. Et donc, sa famille est menacée en Chine. Donc, ça lui fait peur, bien évidemment, puisqu'il dit beaucoup de choses assez... Oui. Ben, des choses intéressantes, parce qu'en fait, ça pose une question centrale sur l'objectif. Quel objectif poursuivaient les étudiants, d'une part, et d'autre part, ça montre à quel point le mouvement étudiant, Place Tiananmen, est divisé. Oui, c'était pas du tout un mouvement organisé. Il n'y avait pas de programme politique, il n'y avait pas de liste de demandes. Vous avez plusieurs groupes au sein, il y avait 21 universités, trentaine d'universités. Donc, il n'y avait même pas d'un leader, il y avait plusieurs leaders. Ils étaient des orateurs, sans doute, mais ils ne contrôlaient pas eux-mêmes non plus ce mouvement. Donc, ce n'était pas quelque chose organisé avec un programme politique, ce qui a fait leur faiblesse aussi, finalement. Et certains étaient peut-être prêts à mourir, d'autres voulaient juste éviter le pire, au fond. Certes, mais on se demande s'ils se rendaient compte vraiment vers où ça s'en va. Est-ce que ça a eu du bon? Est-ce qu'il y a eu des conséquences concrètes, des retombées à la suite de Tiananmen? Vous avez une génération tout entière qui a perdu toutes les illusions, qui n'est plus naïve, qui est un espace d'une nuit. Et ces gens-là vont aussi se rendre compte que c'est inutile de lutter contre le pouvoir. Ils ne peuvent pas changer ça en organisant une rébellion. On peut le changer par des mesures économiques, par des mesures sociales. Mais c'est inutile d'aller manifester sur la place. Donc, c'est mission accomplie pour le régime, c'est au fond. C'est une perte d'illusion totale. Qu'est-ce qui reste, en fait, de Tiananmen en Chine aujourd'hui? Alors, dans le manuel scolaire, il n'y a rien. L'histoire saute de 84 jusqu'à 98 directement. Il y a un trou. On ne parle pas du tout. Alors, dans le manuel d'histoire au niveau universitaire, on en parle. Et c'est désigné comme les troubles de 1989, que le gouvernement a agi en toute conscience et responsabilité, et c'était nécessaire à le faire pour éviter des troubles beaucoup plus importants. Olga Alekseva, professeure d'histoire de la Chine moderne et contemporaine à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Vous a laissé jouer place Tiananmen tout le temps qu'il fallait pour vous prendre en photo, filmer, ficher, fichu place Tiananmen, comme à Prague autrefois ou comme à Santiago. Vous étiez tous piégés place Tiananmen, quand la fête d'un coup est devenue l'abattoir. C'est comme partout ailleurs place Tiananmen, du moment qu'il s'agit de massacrer l'espoir.